c'est pas le frigidaire qu'on voudrait avoir ce soir, bon petit rosaire. C'est non, je vous salue, mais on va faire. On a-tu le droit de faire un rosaire actuellement en ouverture d'émission? Je suis pas certain. Moi, là, c'est pas dans notre mandat. En parlant de mandat parent. Oh mon doux Seigneur. Oui, la belle. En mandat, pleine nuit, une sirène. Oh, les feux tournent les pompiers. Amène aux feux tous les dansants. Il faut suivre la chanson. Hein. Faut pas s'énerver. Faut pas faire comme un petit chiot. Un petit chiot. C'est un chiot, ça. Ben, c'est un quadrupède à deux pattes. Ah, bon, je fais penser à mon Jean-Marc, moi, là. Et ça, c'est un quadrupède à deux pattes. Ah, c'est, il jappe après ça. Ah! Quand il s'est marié, il a pas dit oui, je le veux. Il dit, ouf, ah, il a tiré un os, c'était bien content. Il a été l'enterré. Puis là, il est parti avec son beau-frère. C'est une belle histoire, hein? Une histoire d'amour. En pleine nuit, une sirène. Elle a une sirène, mon Jean-Marc. Appelle au feu tous les pompiers. Wow! Ouais, et tout Rio qui se réveille. Mais Rio, le carnaval de Rio, ça n'a rien à voir avec le carnaval de Québec. On va brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à faire. Sinon tout le quartier va brûler. Moi, je dis qu'il faut, avant de crier, avoir un mandat pour rentrer dans cette demeure qui est en flamme. Ben voyons donc, elle brûle. Non, il faut un mandat. Ben oui, t'es-tu un cinglé? Non, il faut un mandat. Comment ça, mandat? Pas de mandat, pas de destruction, pas de hausse. On sort pas nos hausses, nous, s'il n'y a pas de mandat. Faut appeler la police. La police, amener les... Ben, ils peuvent pas, sont au restaurant. Les deux polices qui sont à côté de l'édifice en flamme sont là... Pas de mandat, pas de... Nous autres, écoute, je suis dans mon bureau, moi, là, puis je bouge pas de là, là. Nos hausses restent dans les eaux azières. Oh, ça, c'est l'emplacement de la hausse. La hausse azière, ben oui. Tu veux pas ça, toi, que le tube de la hausse, c'est la hausse azière. Ben, voyons, là, j'ai-tu inventé ça? Est-ce que j'ai l'air d'un inventeur? Ah, oh, non. Est-ce que j'ai l'air d'un être intelligent? Ah, oh, ben là, encore moins. Alors, un osasière. Est-ce que c'est un osasière ou une osasière? Oh, mettons, là, écoute, il est quand même minuit quelques. Une osasière. Une osasière. Pourquoi? Ben, parce que c'est la hausse que l'on rentre à l'intérieur, et puis c'est une osasière. Une osasière. Alors, il faut me faire un mandat, si tu veux, j'enlève mes hausses de mes osasières. Pas aujourd'hui, non, hier. Les eaux azières, on les rentre hier pour les mieux la sortir aujourd'hui. Parce que si on oublie de les camoufler, on ne peut pas les sortir. Ben là, c'est normal, parce que... Non, parce qu'il faut les rentrer avant de les sortir. Oh! C'est un tic nerveux de la zozasière de vouloir se faire rentrer là. Ben ouais, yada, toi, là, on est insignifiant. Hey. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Les tuyaux, tous les tuyaux sont des là, dans les tabatières, non, dans les zozasières. Oh! Les lancer la grande échelle, tout le monde ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Oh! Pas de panique, il nous les faut. Il nous les faut dans les zozasières. Oui, mais c'est cher. C'est très cher, les os. Ah, c'est plus cher que la hausse, hein. Ah, c'est comme la flûte. Lorsque tu joues de la flûte, tu l'introduis dans son... dans sa flûterie. Ben non, dans son étui. Comme mandat parent, il faut un mandat pour, bien sûr, pas brûler le feu, mais éteindre le feu. Brûler le feu. Brûler d'un impossible rêve. Toucher les jardins des départs. Couvrir d'un impossible bête. Chanter où personne ne part. C'est quoi ça, pas d'allure? Brûler jusqu'à la déchirure. Brûler, même trop, même mal, pour atteindre, attention Jean-Luc, pour atteindre à son écart, pour atteindre. Est-ce que par hasard vous seriez en transe en ce moment? Pour atteindre. Hey, monte le son, Jean-Luc, monte le son. On dirait que c'est cohéré, là, ici, la volute de l'émission Errance Renaldienne. Ben, voyons, comment ça? Ben, c'est... Montez le bouton. Il y a un petit bouton, là, le bouton pas sur... Non, pas à côté de mon nid, ça va vous purjuter en plein... Ah, C'est pas beau, ça, ça fait presser très laid, pis... En pleine nuit, une sirène. Ouais, ça va demander une sirène. Appel au feu, tous les pompiers. Les pompiers, c'est les pompiers. Les pompiers, c'est les pompières. Non, des femmes pompiers, y en a-t-il? Ben, y en a, des femmes pompiers, c'est des pompières. Des pompières, oui. Et puis, qui pompe le pompier? C'est là. Comme mandat parent, j'ai appris ça sur le tas. Mandat parent, ça, c'est une comédienne, hein, du burlesque, l'époque du burlesque. Quel bel moment, un beau moment de notre existence que l'on n'a pas vécu, toi, mon petit cul-boudreau, parce que t'as quel âge? Ah, ben... Moi, aujourd'hui, vendredi, minuit et 5, j'ai au moins 250 ans. Ouais, mais ça, c'est tes arthrites. J'ai l'articulation complètement... Dédaigneuse. Très dédaigneuse, moi. J'ai l'articulation, mon petit, que toi-même, tu aurais de la difficulté à articuler pour la nommer. Mais voyons donc, comment elle s'appelle? C'est dans la région... Des reins? Oh, une maladie rénale! Oh, mon Dieu Seigneur, j'appelle pas ça. Et Tourio qui se réveille, voit brûler l'usine de Capet. Il n'y a pas de temps à perdre. Et dans tout le quartier va brûler. Pam, pam, pam, pam. Mais avant que ça brûle, mandat parent brûlait les planches dans les années 50 dans les théâtres de burlesque. Et c'était une des pionnières avec Olivier Guimond, Rose Ouellette et Ticu Baudouin. Ticu Baudouin qui a passé inaperçu pendant des années. Moi, Ticu... Ah, ben moi, j'ai passé, t'as passé, mais t'étais pas là. Oui, mais quand je suis pas... Exactement. J'étais en dessus de mon ombre, et puis mon ombre m'a pas vu, donc je suis parti derrière. Oh, tu suivais ton ombre. Ben, j'ai toujours suivi mon ombre, là. J'avais pas l'ombre du courage. Comment ça? Ah, j'ai jamais été courageux, moi, là, regarde. J'étais sur scène, là, puis je tenais mandat par derrière. Oh, mon Dieu, c'est pour ça qu'il riait. Ben oui, moi, j'étais toujours en arrière de mandat. Et c'est moi qui soufflais sur mandat. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de rafraîchissement, mais elle avait aussi besoin d'un souffleur. Oh, monsieur. Parce qu'elle Elle ne se souvenait plus de ses textes. Ben voilà, ben t'as de la difficulté un peu. Ah, moi, j'ai toujours eu, dès la naissance, moi. Au moment où ils m'ont échappé, patao! Aïe, aïe, la tête par terre, les jambes en l'air. Là, ils m'ont repris, là, ils ont essayé de me remalaxer le cervelet. Là, on peut essayer, ils ont tossé. Là, ils m'ont tiré ça comme si j'étais un ballon de football. Et puis là, le gars du front gauche, est-ce que ça se peut un front gauche? C'est un front droit, moi, là. Oh! Oui, mais voilà, moi, je pars à la caserne. On entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'il a fait des tuyaux? La tuyau, ça, c'est... Non. Les lancer la grande échelle. Wow. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Là, c'est là que tout le monde a peur. Tout le monde a la chienne. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant l'événement, l'urgence, mais pas de panique. Pas de panique, il nous les faut. Mais la balle, elles sont différentes. Oh, les sentiments. Noir, il faisait noir, noir dehors, noir dedans, noir par derrière, noir par devant, où était la lumière? Nulle part, je pouvais passer. Ouais, mais là, quand tu peux pas passer, ben j'étais pris par la frivolité de mon existence, pris par l'engouement de mon savoir, pris que dans... Par hasard, vous seriez en transe en ce moment. Et toi, là? Hey, amène-moi là. Comment qu'elle s'appelle? C'est Rebecca Dabaguerre. Rebecca Dabaguerre. Non, c'est Rebecca Dabaguerre. Rebecca Dabaguerre. Premièrement, alors, dis-moi ça, là. Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Pas du tout. Là, au moment où on se parle, là, ma belle Rebecca Dabaguerre, grosse là dans la boule. Là. Rebecca, pas du tout. Est-ce que j'ai l'air d'un garçon, d'un garçonnet, d'un cochonnet en transe, madame Est-ce Rebecca? Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Je tiens à vous dire ce soir, dans cette grande salle, pas très propre. Mais non, une salle, elle est sale. Elle est presque sale. Que nous devons entamer l'émission Errance rénalienne immédiatement. Mais non, c'est immédiatement. Immédiatement dans l'inhumanité. Tu sens extrêmement gêné. Pouvez-vous nous enlever l'écho? On peut pas! On est dans la grande salle! On est dans la grande... Voyons donc, je lèche le micro. On est dans la grande... Je fais des cunis... C'est intéressant. Le micro... Qu'est-ce que fait le micro? Arrête donc, malade! Non, mais le micro... Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Oui! Oui, ça vous dérange, ça, Mme Rebecca? Toujours! 24 heures sur 24, 365 jours par année. Je me gêne pas pour le dire. Trans. Loin du transsexuel, mais trans. Trans. Oh, trans. En pleine nuit, une sirène appelle au feu du répondit. Qui se manifeste. Et tout Rio qui se réveille. On se réveille. Poivre les usines de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, branche dans la caserne, on entend les pompiers crier. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques et catholiques, mesdames et voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. À quoi bon? J'ai un chat dans la gorge. Retirez-moi ce chat. Est-ce que vous seriez en transe en ce moment? On va la sortir. As-tu ton flingue? Pas de violence. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, bienvenue à la douce rénalité? J'ai avalé le chat, Madame Tremblay. Est-ce que c'est grave? Ben là, est-ce que tu... risques-tu de le digérer? Je ne le sais pas. Est-ce normal? Peut-on rejoindre un médecin? Mais là, à cette heure-ci... Il n'y a pas d'heure pour les médecins. Ah, vous avez entièrement raison, mais là, on va essayer. Tu Boudreau, tu as le numéro du docteur Mableuse? Ah, docteur Mableuse, je l'ai ici. Là, attendez, on va signaler. Signalons-le. Signalons-leuse. Mais s'il ne nous comprend pas, il n'a jamais compris. Oui. Il n'a jamais rien compris, ce gars-là. Alors, docteur Mableuse, signale docteur, OK? Ça sonne, ça? Docteur Mabuse! Enlevez l'écho, monsieur. Docteur Mabuse! Merci. C'est un lard gagné de l'ancienne indienne, docteur Mabuse. Est-ce que vous nous entendez? Oui! Bon, OK, docteur... Est-ce qu'on vous réveille? Oui! Oh, on s'excuse infiniment, monsieur Mabuse. C'est parce que nous avons un petit problème technique à l'émission et heureusement qu'on a quelqu'un de chevronné comme vous, hein? Oui! Bon. Le problème est le suivant, monsieur Mabuse. Oui. Monsieur, m'abuse, monsieur. Excusez-moi de m'abuser sur votre nom, mais je ne me moucherai point sur votre point final. Qu'est-ce que tu dis là? Monsieur m'abuse. J'ai vu des problèmes tout à fait inquiétants depuis quelques années, monsieur m'abuse, et j'aimerais savoir... Oui, attendez, j'aimerais savoir... Embarquez-le, j'aimerais... c'est pas le moment, il nous aide, là, OK. Monsieur m'abuse. J'avais un chat dans la gorge, vous savez les... Oui, vous savez, les petits... Oui! Oui, les petits chats, là. Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous. Des petits chiens de poils partout. Bon, c'est chats. C'est pas des chiens, c'est des chats, là. Hein? OK. Et puis, est-ce que votre épouse est à côté de vous? Eh, vous la réveillez pas? OK, il se passe des affaires chez vous, hein? Bon, on aime ça. Monsieur Mabuse. Alors, ouais, c'est ça. Alors, donc, j'ai avalé le chat que j'avais dans la gorge. Est-ce que c'est grave? Comment ça va sortir, là? En petit mouton? Oui! Oh, monsieur, petit mouton, quelle couleur? Ben, ça dépend du chat, hein? Oui! OK. Si mon chat est gris, le mouton va être gris? Oui! OK, mais si mon chat est noir, le mouton sera pas blanc? Oui! Bon, oui, non, oui, il sera pas blanc. OK, bon, excusez, j'étais confus, Monsieur Mableuse. Monsieur Mableuse, hey, merci de... Est-ce que on vous doit absolument rien parce que vous, nous sommes vos amis, hein? Oui! Est-ce que vous nous écoutez souvent, Errance Rénaldienne? Oui! Bon, merci. Hey, vous savez que c'était maintenant, là, hein? Vous nous écoutiez pas, hein, je crois. Vous étiez couché? Oui! Pourquoi vous nous écoutez pas? Ah, oh, vous nous prenez sur Internet? OK, vous savez, vous êtes pas... Moi, les gens positifs, Monsieur Mableuse, là, c'est A1. Je vous embrasse, hein? OK, mais hey, attendez, avant, là, je reviens te chercher. Je reviens à moi. Et parce que, comme disait la dame Rebecca, je sais pas qui, là, une phrase. Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Oui, mais là, je viens de revenir, là. Monsieur Mabuse, parce que là, c'est quand même extrêmement intéressant. Nous avons un vrai devant nous, ben enfin, au téléphone, hein? Oui! Bon, alors, monsieur Mabuse, si nous voulions... Mon verbe, essaie de souligner ton verbe, toi. Si nous voulons, nous foulons, si nous foulons le mot, pourriez-vous nous aider? Oui! Bon, avant de terminer, parce que là, je suis tout excité, je suis comme un chien à la recherche de... Oui! Bon, mon chat que j'ai avalé, parce que... Bon, est-ce que c'est dangereux pour moi ou bien au contraire, tout va bien? Oui! Oui, tout va bien? Allô? Monsieur Mabuse, est-ce que tout va bien? Bon, OK. Ben merci beaucoup, Monsieur Mabuse. Et puis, restez des noms. Et puis, si vous voulez nous écouter sur Internet parce que vous étiez couché. Oui. Ouais, ça fait trois fois que je vous le demande. Vous pouvez nous suivre sur Errance Rénaldienne. Bon, compliquez-vous. Je sais, vous n'avez pas un crayon, là, vous êtes couché. Votre conjointe, Madame Mabuse, là, est-elle en habit d'Ève? Oh, Monsieur Mabuse! Alors, allez sur Gargle. Fatiguez-vous pas le génie, monsieur. Vous avez une grosse formation. Vous avez une grosse, hein? Vous en avez une grosse? Oui! Oh, monsieur, une grosse formation de même. Alors, allez sur Gargle, entrée Errance, espace rénaldienne. C'est vrai que vous en avez une grosse? Oui! Ah oui, des années, hein? Des années pour la grossir, cette... cette formation. Alors, Gargle.fr, parce que FR, nous sommes des francophones. Oui! Êtes-vous francophone ou... Bon, alors, Errance espace rénaldienne, cliquez sur recherche, et le premier errant, c'est moi. Ça va bien, monsieur? Oui! Alors, on vous laisse? Oui! Alors, bonne nuit, puis à la prochaine, OK? Oui! Est-ce que je peux vous rappeler incessamment? Oui! OK, alors, ben, bye-bye, à la prochaine, et puis c'était Rénal Gagné, monsieur, voilà. Alors, bienvenue à... Et ben voilà! Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Je pense que c'est le chat qui digère. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal de Gagné. C'est moi. Moi. Il n'y a pas eu de musique, hein? Ça fait 18 minutes. Ben voyons donc, il n'y en a pas eu. On peut en placer une si t'en veux, là. Oh là là! Tout le monde ensemble, okay? Frappez dans vos mains. Ou si vous n'en avez pas, frappé sur votre visage. Si vous n'avez pas de main, frappez sur votre visage. Okay? Oh! Attention. Oh yeah! 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon bas au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Aujourd'hui, le vendredi 25 février 2011, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du Créateur. Oh! 3 ou 400 millions de Noirs, et moi. Qui vaisombre une histoire. Oh, sont là pour perdre du poids. J'y pense et mes oublis. Ah, j'oublie que c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ah, la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes éthiques, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du Créateur Yann Péchant. Yann Péchant est un guitariste et compositeur français. Il a signé quelques musiques de chansons pour Christophe Miossec, Marie-France et Chloé Mont. Il accompagnait sur scène Alain Bachung. Aujourd'hui, il poursuit son chemin artistique avec des artistes comme Brigitte Fontaine, Jacques Higelin et Hubert-Félix Thiéphen. Maintenant, Madame Tremblay, cessez de tousser. Il y a toujours quelqu'un qui tousse lorsqu'il y a des... Vous avez... Maintenant, en ce vendredi... 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde William l'émerger à la télé le matin, chez moi. Hey, ça, c'est une pub. Ceux qui doivent être en constance d'érection, cette émergie. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut... Qui fait ouvre une histoire. Oh, son art pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi. Avec mes manies, c'est éthique. Dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Premièrement, là, Monsieur William Energy, c'est celui qui fait l'émission du matin, là. Télématin. Et puis, Dutron lui avait consacré une chanson avec Françoise Hardy, sa copine. Et c'est sur l'album de Françoise Hardy. Et voilà, je crois que c'est un copain de... Écoutez bien, il fait une petite modification à sa chanson. Là, c'est là, là. 50 millions de gens imparfaits. Et moi. Qui regarde William l'émerger? Hey! C'est pas une belle publicité, ça, pour William Renergy? Pourquoi qu'il dit pas « En écoutant l'errance rénale » Non, ça sonne pas. « En écoutant Rénal gagner, tout le monde est dessous. » C'est vrai, il pourrait dire ça. On va appeler. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de contacter Jacques Dutronc? On est déjà en retard. Jacques Dutronc. On est déjà... Jacques Dutronc. Plus tard. OK, merci. À la télé le matin, chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. Maintenant, enrobons-nous à ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un fil humaniste entre vous et moi. Ils veulent pas appeler Jacques Dutronc. Ils m'ont abandonné. Ah, pourquoi m'avez-vous abandonné? Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant le générique. Pourquoi? M'avez-vous abandonné? Thank you.

S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. Et les amis. Et rigoler. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que ce bordel? Là. Ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Non, voyons donc, c'est quoi, à mon ami Charles Bukowski? Ben, c'est ça. J'ai même pas besoin de lire ma fiche. Oh! Hier après-midi, il y avait plus de salami. J'ai dit à Johnny, cours à l'épicerie. Oh yeah! Pas d'épicerie. Oh yeah! Georgette, c'est toi qui occupais le son? C'était quand même très bon. Comment ça? C'est-tu parce que... Ah oui, je le sais. Laetitia Casta t'a dit... Ouais, est-ce ben que oui. Par hasard, vous seriez ben en oui, transe ben en oui, ce moment? Ben oui. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ça va? Ça va mieux. Il ne reste plus qu'à vivre de nous deux. Ça m'a pris du temps, c'est vrai. Ce n'est pas encore ça, mais ça va mieux. Il ne reste beaucoup plus à nous deux. C'est moins pire qu'on le pense. Que rang on va les zinzins. Est-ce que par hasard vous seriez en transe en ce moment? Ouais. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. C'est quand même côté mentalo, ridiculos, amadados. Clémitos, c'est la nouvelle maladie du siècle, hein, le clémitos. Ah, mon Dieu, ma belle-sœur a eu le clémitos. Mon beau-frère, lui, a eu sa dose de la clémitos parce que l'autre, sa belle-mère, avait attrapé le clémitos. Son beau-frère, le beau-frère de la belle-mère qui avait connu le beau-père avant que... Ah, mon Dieu, clémitos tout le monde. Là, depuis deux semaines, là, tout le monde est sur le clémitos. On se demande comment ça va aller. On sait pas. On prie. On sait pas qui, mais on prie. Ben, ça n'a pas de prix, prier, hein? On aimerait bien ça savoir. C'est combien? 20$, 2$, 5$? Ah, c'est en euros, en francs suisses, en francs belges. Non, il n'y a pas de francs belges. Les francs belges, c'est francs suisses. Non, les francs belges, c'est les euros. C'est en États-Unis d'Amérique du Nord. Est-ce que c'est en argent sonnant, dissonnant, en carte de crédit, en carte PayPal, la nouvelle, bon, tu payes avec PayPal. Double protection, PayPal, comment t'appelles ça, là, les femmes, ils mettent ça, là, c'est du cotonnel, non, c'est du, en fait, de la publicité, pas vrai, du, voyons donc, serviette sanitaire, double épaisseur, hein, c'est PayPal, double épaisseur, une épaisseur pour les épais, puis une épaisseur pour les triples épais. C'est-à-dire que, quand tu payes avec ça, t'as double sécurité. Première sécurité, c'est que tu payes, Là, il y a de l'argent qui débite, qui se débite. Ah ouais, débite. Là, les bites, on s'en va. Hey, avez-vous déjà vu ça, vous, des bites qui se débitent? Ah, c'est de merde. Hey, la police était là avec leurs flingues. Bougez pas, les bites, bougez pas, hein. On vous a à l'œil, hein. Vous vous débitez, là, puis on vous tire. Là, mais ouais, mais on y PayPal, on débite. On n'a pas le choix de débiter. En plus, il y a double protection. Ben ouais, alors chez moi, il y a double protection, là. Ouais, oui, première protection, c'est que on paye. Celui qui paye, le payeur, a une sécurité et une double sécurité avec PayPal. Avec son commerce, là, je sais pas si, exemple, la carte bleue. Bleu comme le ciel, bleu comme la mer. Non, bleu, la carte bleue. Ah, Visa, ben, exemple. Alors, Visa peut te sécuriser si ton achat ne fonctionne pas, si ton achat foire, du verbe foirer. Et PayPal est une autre sécurité qui, elle, si Visa peut pas payer, PayPal va payer. En fait, tu peux avoir double paiement. Ben, c'est jamais arrivé, c'est vrai. C'est jamais arrivé, mais c'est vrai que c'est vrai. Arrête de dire c'est vrai. Oh, mon Dieu. Je vais pas dire autre chose que c'est vrai. Et Toto y a dit ton papa, les para papa. Et Toto y a dit ta maman, les para maman. Et Toto y a dit ton pépé, les para pépé. Et Toto y a dit ta mémé, yépa yépa. Et Toto y a dit ton tonton, yépa yépa. Et Toto y a dit ta tata, yépa yépa. S'il n'y a pas ni ton papa, ni ta tata, etc. À quel bonheur je viens voir ta sœur. Oui, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus si cela et la plus et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, tiens la voilà. Salut, je ne t'ai pas apporté de fleurs, ça ne m'étonne pas. Et me voilà avec mon cœur, ça ne m'étonne pas. Et aussi avec mon scooter, ça ne m'étonne pas. Tous deux ne battent que pour toi. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Laisse-moi te faire un bisou là. Balépate. Oh la vilaine, si c'est comme ça, je vais voir ta bonne, la belle Irma, et je l'amène au cinéma. Car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus si cela, et la plus, et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, tiens la voilà. Salut Irma, tu viens au cinéma? Non. We'll be right back. Et toi, éventuellement, crois-tu faire une carrière solo? Écoute, j'y pense souvent, mais à chaque fois, je me retrouve à composer pour d'autres, à écrire pour d'autres. Oui, j'y pense, mais c'est pas quelque chose qui me... C'est-à-dire que je le ferai. Oui. J'y pense que j'ai des chansons et tout ça, mais souvent... Mais c'est pas vital pour moi. C'est pas quelque chose de... Il y a des gens, faire un album, chanter... Par contre, j'ai composé pour je compose souvent, donc au moins composer pour les mais autres. Mais tu parles de composer la musique et non pas de composer les paroles. Voilà, la musique. Mais franchement, faire de la, ça me va très bien. Quoi. Et puis surtout, quand on a été guitariste de Bachung, de Miossec, de TFM, Ligien, tout ça, dans ces moments-là, on n'éprouve pas le besoin de se mettre en avant. Quoi, Un peu comme la vision de Bergère avait dans la musique, tu pourrais également faire des albums solo et t'inclure. J'y pense, mais jusqu'à maintenant, ça a été surtout un manque de temps. Okay. Ou un groupe, groupe, je sais pas. J'ai des musiciens que j'adore, avec qui je travaille tout le temps pour des shows, donc je sais qu'avec eux, c'est totalement possible de faire de belles choses. Et tu les as rencontrés grâce à... D'années de tournée. Mais en travaillant avec X, Y, Z, j'ai des musiciens avec qui je sais que, par exemple, les musiciens d'Alain, donc on est tous très proches. Ça va? Et on est tous très proches et c'est régulièrement qu'on fait des projets ensemble. Qui est un restaurant dans le quartier. C'est bien. C'est avec la fluidité qui me caractérise que Bambi coule sur le tempo comme le caramel sur un flandis. Il y a trop de violence au ciné, c'est moche. Ça déteint sur les moches qui se battent lorsque sonne la cloche. Ils volent des répliques, des truands en font leur idole. Dupliquent leurs attitudes qui déplaisent à l'école. Tandis que leur mère leur inculque de bonne manière. Ceux-ci rêvent d'avoir un frère comme Schwarzenegger. Tels sont les effets du grand écran sur les petits. Observe l'effet divers, je vois que tu as saisi. Oublie un peu ta vidéo dont la haine est le thème. Mais comment ça vivre de vraies relations humaines? Underground et populaire et l'arceau, à l'instar de la star des transports le métro. Classe, je me place en place avec classe parce que l'ars casse la masse au son de cette basse. Piné des réchefs, celle qui opinait du chef était l'occupation principale de mon ami Steph. Le black méga mac qui était pris dans un micmac. D'un côté le cœur et de l'autre crac crac. Je lui demande pas d'avoir des amours platoniques, mais que le côté cœur soit beaucoup plus tonique. Moi j'aime la province évincée par le système. On y trouve le vrai, le beau, les relations humaines, tiens. Les relations humaines, tiens. Les relations humaines, tiens. Les relations humaines, tiens. Bambi, check it. Je suis tenace, me mets en face du micro, casse le tempo ou passe ma voix qui l'enlace. Laisse de l'espace à celui qui soudain flotte comme un astronaute sur la musique et évite les fausses notes. Invité à une partie dans mon voisinage, je repère une fille, puis passe à l'abordage. Au départ elle rechigne, trépine, puis cligne de l'œil, c'est un signe. Ses copines lui glissent quelques consignes. Nos anatomies collées sur cette musique que l'on aime. Merci Chabaran pour ton Mr. Love Man. Tu es absent mais tu as fait beaucoup pour moi ce soir et même pour mes relations humaines même. D'une femme, 20 ans d'amour, faisait battre mon cœur. Je ne voyais jamais que par son larme. Et devant nous s'efface de notre bonheur. On se dit, ah ouais, voilà. Mais il est trop tôt pour voir le bonheur. L'heure passe et les gens trépassent. J'avais 20 ans. Pour les yeux de la femme. Ben, ça, c'est un succès monstre. Voyez-vous tous les gens qui s'arrêtent chez le disquaire? Qu'est-ce que tu allais dire? À la disquerie. Ben, y'en a toi. T'inventes des mots. Ben, moi, toute mon émission est entre guillemets. Comme la chanson de Brigitte Fontaine. Puis, il y a une chanson de Gainsbourg qui s'appelle Guillemets. Je vous les ferai jouer simultanément. Comment? Simultanément. Ah, oh, ben là, simule, le trouvera jamais. C'est vrai, il n'y a pas de mémoire, lui. Simule ta mémoire et tu trouveras la jeunesse. J'avais 20 ans pour les yeux d'une femme. Ben, dans la bouffe. Ben, arrête de te bercer, ça fait mal, mon gars. OK. Alors, OK. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Ça va bien, vous? Bon. Relaxation. Respiration. Sans transpiration. Pas d'odeur. Comment? Pas d'odeur. Pas d'honneur? Pas d'odeur. Odeur. Arrête de tousser là-dedans, là. Pas d'odeur. D'odeur. Ah oui, l'odeur. L'odeur, bon. Tant d'odeur amène de la laideur. Et tant... C'est quoi la chanson, donc? Tant d'odeur nous montre... Ouais, la chanson de Jacques Brel. À propos de l'argent. L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte aux naises. C'est tellement beau. Oui. Là, c'est un moment de tendresse. Pour un moment de tendresse... On s'excuse auprès de tous nos auditeurs qui sont affamés d'improvisation malfamée. Ça se passe maintenant, avant la première heure. Est-ce possible? Tout est possible. Plus maintenant. C'est vrai, Raymond Poirier, Raymond, comment vas-tu? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Je m'ennuie de mon ami Raymond. OK, hey, c'est de la tendresse. Mettez l'écho, il va pleurer. Mais Raymond Poirier, je suis au journal, il était grave. Je suis au journal, je suis dans le journal. Le Renan, ça va bien, toi Raymond, ça va bien. Mais oh, il y avait un... OK, là, ici, maintenant, putain, les gens n'ont rien compris. Oh, mais les auditeurs de CKRL ont très bien saisi, ils en versent une bonne. Mais ton saut! Je suis le saut. OK, oui. Le solidaire. Là, à la nostalgie. Mais non, mais ça dépend. Quand... mets la bouche dans ta langue 7 fois avant de la retourner. Et si je la refourne, oh mon Dieu, ça sera pas cuit, ça va être trop... là, ici, maintenant, laissez-nous nous le dire, là! Silence, zen, communication, extrême-onction, emmenez-nous la chance! Là, amenez-nous la chance. La chance de quoi? De tout oublier. Là, ici... Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. On entre dans le banc de Buck. Ça, c'est on tourne la manivelle. Cher rat! Il n'y a pas de rat. Heureusement, on n'en veut pas de rat. Les rats, c'est pas beau. Les rats, c'est laid. Les rats, c'est méchant. Le titre... Là, ça, c'est la phrase. Faut pas se tromper, hein? Récupération. Émilie Simon était en spectacle ce samedi dernier. C'était merveilleux, extraordinaire. J'y étais. Ouais, mais ton émission est enregistrée. Bon, oui, mais je présume que c'était merveilleux, extraordinaire. Ah! Oh, il fait de l'extra-monction. Oui, monsieur, j'en fais toujours. Parce que je me dis que je suis toujours en rediffusion devant certains. Puis je me dis. On s'est dit quoi? M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas? Émilie, seras-tu mes peines? Attends, Jean-Pierre. Attends, mon Jean-Pierre Ferland. Je tiens à dire que cette chanson, c'est tout simplement pour Émilie Simon. Hey, c'est... Attends. Calme-toi. Comme disent les rappeurs, spécial. Dédicace. Non, j'ai pas dit j'étais un agace, là. J'ai dit spécial dédicace. Émilie Simon. Attention. M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas? Seras-tu mes peines, seras-tu mes joies? Alors? Plus tu te balances, plus je reste là. J'attends que tu penses jusque dans mes bras. J'ai un cœur et des lèvres grasses qui n'attendent qu'un de ces jours. Ou avant que tu me dépasses, je t'aurai raconté mes amours. Mais... Devant toi, Émilie, je peux raconter tout, tout, tout, tout. M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas? Seras-tu mes peines, seras-tu mes joies? Plus tu te balances, plus je reste là. J'attends que tu penches jusque dans mes bras. Jean-Pierre, est-ce que... Est-ce que ça fonctionne, ces chansons-là? Là? Est-ce que les filles s'agrippent à ta bouche, à tes mots, à ta structure narrative, à tes émotions, à ton corps de chanteur? Est-ce que ça fonctionne? En autant que je me rappelle, j'ai 100 ans et plus de soupirs. J'en ai autant que tu es belle. J'ai 280 désirs, m'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas? Seras-tu mes peines, seras-tu mes joies? Plus tu te balances, plus je reste là. J'attends que tu penches jusque dans mes bras. Tu ne perds rien pour attendre, mais quand je t'aurai convaincu, ne crois pas pouvoir te défendre. Quand je t'aurai, m'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu? Seras-tu mes peines, seras-tu mes joies? Plus tu te balances, plus je reste là. J'attends que tu penches jusque dans mes bras. Je suis loin d'être à bout de souffle, et j'ai du temps plus qu'il m'en faut. J'ai mis mes amours en pantoufles. Bon dimanche et à bientôt. M'aimeras-tu ou ne m'aimeras-tu pas? Seras-tu mes peines, seras-tu mes joies? Plus tu te balances, plus je reste là. J'attends que tu tombes dans mes bras. Ça, vous m'avez senti un peu le côté arabe. C'est excellent. Jean-Pierre Ferland. Barclay l'aurait signé. L'aurait. Mais il ne l'a pas parce que Jean-Pierre n'a pas voulu. Mais le plus extraordinaire du titre de la phrase de Bukowski, c'est « La dame torride ». Et c'est vrai, c'est « La dame torride ». La caméra est là. Regardez. Il n'y a pas assez de zoom. On va zoomer. Écoutez, nous sommes à la radio. Regardez l'émission. Vous verrez. OK, la dame torride, est-ce que ça se voit? Peut-être pas, mais en tout cas, croyez-moi, sur parole. Nous avons ici le médecin, comment il s'appelle? Pas Toutankhamon. Comment il s'appelle notre médecin, donc? C'est le médecin torride, non? Médecin Mabuse. Monsieur Mabuse! Oui! Bon, est-ce que c'est écrit sur notre fiche? La première phrase, c'est... Oh non! Oh non! Monsieur! Oui! On s'est trompé! Oui! Nous sommes nuls! Oui! L'émission, c'est de la... Oui! On a divulgué le titre. Ça s'appelait La Dame Torride. Oui. Vous la connaissez? Avez-vous de l'ukulélé? Oui. Oui. Mais la première phrase, c'était pas ça. C'était Manque entra. Manque. Oui. Peut-être le pianiste, hein? Oui. Est-ce que vous le connaissez? Oui. C'est Thelonious Monk. Oui. Bon, mais là, le titre, c'est La Dame Torride. Oui. Ben, ça me déçoit un peu parce que j'ai divulgué le titre. C'est la première fois. La première fois, est-ce que je... Monsieur, oui. Est-ce que... Je me souviens plus de votre nom. Non, monsieur, qui? Non, le docteur Jivago. Non, le docteur, Oui. Bon, guéris tout. Oui, monsieur. OK, hey, monsieur, êtes-vous là? Oui. Bon, mais vous êtes le docteur Guérito? Oui. Vous êtes dans la partouze? Oui. OK, ben on aime ça. Ouais, monsieur. C'est le docteur Guérito qui entend. Excusez-nous. Mais c'est quand même assez étrange, hein, d'avoir dit le titre avant le... Oui. OK. Hey, avez-vous une formation en physiologie? Oui. Ah oui, vous êtes un physiologue également? Oui. C'est impossible. Vous êtes un hurlu-berlu. Êtes-vous médecin? Oui. Docteur. Oh, monsieur, vous n'êtes pas docteur? Oui. OK, bon. Mais là, Jean-Pierre Ferland, Barclay, pouvait le signer, mais c'est lui qui a voulu rester à Québec. Au Québec, non, au Québec, pas à Québec, au Québec. À Montréal. À Montréal. Ville de plus en plus anglicisée. C'est un vent de panique. Et puis, mais c'est bien pour Émilie Simon, là. Puis là, Bukowski, là, j'ai tout vendu le punch, puis, mais... Extraordinaire, merveilleux. Qu'est-ce qu'on dit de plus? On rien dit, on peut pas rien dire de plus. Docteur, comment... Docteur Mabuse? Oui. Ah, vous êtes, c'est vous, hein? Oui. Ah, je savais que c'était Mabuse. Parce que vous abusez de oui. Oui. Oh! Votre femme doit aimer ça. Oui. Votre maîtresse aussi? Oui. Votre maîtresse aussi? Oui. Eh bien, il a dit oui. Monsieur? Oui. Bon, il est devenu sourd. Plus le temps passe, plus il trépasse, lui-là. Là. On dirait que... Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Hey, attendez, refaites ça, s'il vous plaît, en studio, avec toutes les invraisemblances, s'il vous plaît. Est-ce que par hasard, vous seriez en transe en ce moment? Thank you. plus, avec la mort d'Alain Bachung, ça t'a donné comme un... Ça t'a procuré un néant, c'est-à-dire que... Non, mais pour toi, monétairement parlant, puis même artistiquement parlant... Ah ben, ça a été... Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à... À t'en remettre? Ah oui, à m'en remettre. Déjà, c'était pas seulement la perte, c'est pas la perte musicale, c'est déjà la perte de l'ami, tu vois, c'était quand même quelqu'un de très proche. Que t'as connu en 5 ans, c'est ça? 7. 7 ans, OK. C'est connu en 2002. OK. Donc, voilà. Et c'est surtout, j'ai perdu un ami très proche. Pour moi, c'était comme un ami, un père spirituel, tout ça. Et puis, nous, comme je jouais avec Chloé, que j'étais aussi ami avec Chloé et tout ça, moi même quand j'étais pas en tournée avec Alain, on dînait une fois par semaine ensemble. Ok, alors t'étais un gars de la famille. J'étais un gars de la famille, on va dire. Et puis en le perdant, t'as perdu aussi beaucoup de contrats, t'as perdu... Oui, mais ça... Ça te dérange un peu moins. Bah, ça a été problématique, mais en même temps, c'était à ce moment-là, de toute manière, à ce moment-là, j'avais pas la tête à faire... Alors t'as vécu un deuil. J'avais un deuil, un long deuil à faire. En même temps, j'ai fait d'autres choses. Peu de temps après la mort d'Alain, il y a Catherine Ringer qui m'a appelé pour faire quelques trucs avec elle. Après la mort de Fred Chechin? Non, après la mort d'Alain. Fred était mort déjà depuis un an. Fred, il est mort un an avant. Ok, Alain Bachung, oui. Et elle m'a appelé parce qu'elle faisait des choses d'image pour un album d'hommage à Nino Rota, le chanteur italien. Ah oui. Et donc, elle faisait des promos et tout ça. Et en fait, elle m'a appelé 3 semaines après la mort d'Alain. Et moi, j'ai dit, je suis désolé, mais là, je ne suis pas en état. Et elle m'a parlé, elle m'a dit, je suis une magnifique. Elle m'a dit, tu sais, moi, j'ai perdu Fred. Elle m'a dit, faut que tu fasses de la musique très vite. Elle dit, sinon, tu vas traîner ça. Et en fait. Elle avait raison. Et du coup, j'y suis allé, oui. Enfin, elle avait raison sur le moment. Mais dès que j'ai fini les promos, il m'a fallu vraiment beaucoup. Globalement, je dirais que pour vraiment avoir fait le deuil complet, je dirais que j'ai mis un an. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il y a des allumettes au fond de ses yeux,